Exercice 6. Je me réveille à 7 heures. 1. Tu te lèves tard? 2. Vous ne vous couchez pas tôt. 3. On se téléphone demain. 4. Je m'habille vite. 5. Elle ne se parle pas souvent.